Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, chers auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite la carte menu. Il s'est tenu ce lundi à Bujumbura le dialogue national de haut niveau sur le financement de la santé. Son objectif principal était l'évaluation et la mobilisation des ressources intérieures comme principale source de financement. Vous aurez le point au cours de cette édition. Certains journalistes demandent au Parlement burundais de réduire l'amende allant de 500 000 à 1,5 million de francs burundais comptant pour la dépénalisation des délais de presse. Ce dernier est l'un des points récemment analysés et adoptés par le Conseil des ministres. Sur la carte menu également, dans les nouvelles de province, certains agriculteurs de la commune et province Bouloudi qui se sont présentés ce lundi au bureau provincial de l'agriculture pour avoir de la chaux agricole, cela montre qu'ils n'ont rien reçu. Notre correspondant nous fera le point. Et dans la chronique sportive de ce lundi, nous reviendrons sur la révision de la loi régissant le football, surtout sur le positionnement du gardien de but lors de la séance des tirs au but. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Doré Bingabide, Eric Wimana assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. L'évaluation et la mobilisation des ressources intérieures comme principale source de financement inscrit dans l'agenda de 2063 qui met en avant le plan de développement de l'Afrique sur 50 ans. Tel est l'objectif principal du dialogue national de haut niveau tenu ce lundi à Bujumbura sur le financement de la santé. Lors de la présentation, Dr Polycarpe Ndayikeza, directeur général chargé de la planification au ministère de la Santé, a relevé certains défis comme la dépendance au financement extérieur dans ce secteur. Certaines solutions comme les taxes innovantes ont été proposées. Le point avec Lydie Gahimbari. Ce dialogue national de haut niveau pour le financement de la santé a pour objectif de mobiliser les parties prenantes nationales et internationales pour évaluer et revoir les stratégies de financement de la santé dans la stratégie nationale de financement dans le secteur de la santé. Lors de la présentation, Dr Polycarpe Ndayikeza, directeur général de la planification au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a montré que le secteur de la santé fait face aux nombreux défis, entre autres la forte dépendance au financement extérieur à la hauteur de 56,3%, la fragmentation des mécanismes de financement de la santé et la limite au financement public. Au cours de cette présentation, quelques solutions ont été proposées comme accroître la proportion de financement du budget général de l'État pour la santé jusqu'au moins 15%, mettre en place une taxe punitive pour le tabac ou sur les boissons de grande teneur alcoolique, surtout les liqueurs, affecter une partie de la taxe imposée sur les voitures importées ayant une longue durée de fabrication supérieure de 10 ans à la hauteur de 20%. Ces mobilisations de financement du secteur de la santé sont pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Merci Lydie Gahimbari. Certains journalistes apprécient positivement l'un des points récemment analysés et adoptés par le Conseil des ministres sur la dépénalisation des délais de presse. Malgré cette appréciation, ils trouvent que les organes de presse ne sont pas financièrement bien portants et demandent plutôt au Parlement burundais de réduire cette amende allant de 500 000 à 1,5 million de francs burundais. Suivez ces journalistes au micro-baladeur de Mireille Kanyang. La dépénalisation des délits de presse, c'est un acte qui montre que quand même il y a cette volonté de ne pas continuer la violation de la liberté de la presse. Ça, c'est une évolution vers la liberté de la presse. Donc, il y a de quoi louer cette étape déjà franchie. Et alors, on se dit, avec cette amende allant de 500 000 à 1,5 million, est-ce que c'est pas beaucoup pour nos médias? Vous savez bien, il y a des problèmes financiers qui hantent beaucoup de médias burundais. Alors, on se demande qui va payer. Est-ce le journaliste lui-même? Est-ce le médium? Mais quoi qu'il en soit, que ce soit le journaliste ou que ce soit le médium pour lequel il travaille, c'est bien évident que ce montant reste énorme. En tant que journaliste burundais, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à ces orientations du Conseil des ministres burundais qui s'est tenu la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des délits de presse, ça existe comme pour d'autres personnes. ça peut exister. Mais par rapport aux amendes, au niveau de ces amendes, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être difficile à exécuter, vu la situation dans laquelle vivent les médias burundais. Ils sont, on ne peut pas le nier, les médias burundais, ils ne sont pas au même niveau par rapport à leurs finances. Je pense que il ne serait pas bon de mettre en avant ces sanctions qui vont dans le sens de demander des amendes, mais plutôt que ça passe dans le conseil des pairs des journalistes pour que l'on puisse se conseiller. Vous voyez, dans ce métier, il y a beaucoup de nouveaux journalistes. C'est tout à fait normal qu'il arrive qu'ils commettent des erreurs, ces délits de presse. Alors, qui dit dépénalisation des délits de presse dit aussi enlever son caractère pénal de l'acte de journaliste. Alors, dans ce cas, on se dit que si ça devient effectif, c'est que le journaliste pourra prester en toute liberté. Si possible, je sais bien que ce projet de loi va aussi suivre le cours normal. Le projet sera bientôt analysé par le Parlement burundais. Moi, je demanderais plutôt qu'il faut penser à la réduction de cette somme. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, grogne chez certains des agriculteurs de la commune et province Bururi qui s'étaient présentés ce lundi au bureau provincial de l'agriculture pour recevoir la choix agricole commandée, mais sans succès. Glorieuse Niyubahwe, directrice du bureau provincial chargé de l'agriculture à Bururi, indique que seuls 48% de la Dolomie commandée ont été livrées et distribuées, mais une autre quantité est attendue ce mardi. Les détails avec Zeno Nzambiman. Les agriculteurs de la commune de Bururi étaient venus nombreux à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi le matin de ce lundi pour récupérer la quantité de la choix agricole commandée, mais sans succès chez certains. Les responsables des stocks de cette direction nous ont indiqué que la quantité qui était disponible a été distribuée jusqu'à 9h de ce lundi. Les agriculteurs qui n'ont pas été servis grognent suite à serviture des stocks de fertilisants en disant qu'ils sont déjà en retard car la Dolomie est normalement utilisée au moins 2 semaines avant le semis pour diminuer l'acidité du sol. C'est au moment où le semis pour la saison culturelle B commence le 15 février chez certains agriculteurs de la commune de Bururi. Glorieuse Niyubahwe, directrice du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, indique que cette rupture des stocks de fertilisants est due au retard des fournisseurs, car seuls 48% de la Dolomie commandée ont été déjà livrés et distribués. Elle tranquillise néanmoins ses agriculteurs qu'une autre quantité de la choix agricole est attendue ce mardi. Elle a ajouté que les fertilisants de type Imbura n'étaient pas aussi disponible dans les stocks ce lundi, mais la glorieuse Niyubahwe dit qu'il n'y aura pas beaucoup de lamentations car 81% de la quantité commandée ont été. Veuillez nous excuser pour cette erreur. Page société à présent. La route nationale 16 reliant les chefs-lieux des provinces Lumongue et Bururi est en train d'être réhabilitée sur la colline Mulambi en commune des provinces Lumongue dans son coin qui avait commencé à s'effondrer. Les habitants de Mulambi qui avaient récemment alerté saluent l'intervention de l'agence routière du Burundi à qui ils demandent une stabilisation définitive de ce point qui s'était déjà affaissé à plusieurs reprises. Société toujours. Il s'observe des nids de poules dans certaines routes principales comme l'avenue de la République, axe principal de la zone Yakabiga et certaines parties de la route nationale numéro 3, communément appelée route Lumongue. Les usagers de cette route disent être étonnés de cette situation au moment où les travaux de couvrir ces nids de poules sont suspendus. Ils demandent à l'agence routière du Burundi ARB de faire son travail. Ornella Mucho a fait le tour. Voici son reportage. Par exemple, certaines rues et avenues de la capitale économique de Bujumbura présentent des nids de poules comme l'axe principal de la zone Nyakabiga, communément appelée avenue de la République. La route séparant les quartiers Nyakabiga 2 et 3 de la commune urbaine de Mukada, ces nids de poules s'observent à partir de la 5e avenue jusqu'à la 12e avenue. Les automobilistes sont obligés de ralentir pour ne pas endommager leur véhicule et d'autres essaient de dévier en passant sous la partie jugée praticable. Ils disent être étonnés de la façon dont l'embouchage de ces nids de poules ne dure pas. C'est bien que vous venez, vous aussi, le constater, tout en espérant que ça va changer quelque chose. C'est étonnant de voir que des travaux de réhabilitation avaient commencé et sont inachevés. Alors je suis obligé de garer la voiture ailleurs, alors que je pourrais la garer chez moi. Et cela pour éviter de passer dans cette route, ou alors je dois dévier en passant dans les zones réservées aux piétons. Nous devons ralentir suite à ces nids de poules. Donc, la circulation est vraiment compliquée. Même les pièces de nos véhicules sont endommagées. Alors, pourquoi les services chargés de réhabilitation n'achèvent pas les travaux? On pensait qu'au début de ces travaux, l'objet destiné à ces travaux était déjà disponible. Ces grognes s'entendent aussi chez les piétons, ceux qui se déplacent par bus. Ces derniers disent que les chauffeurs conduisent mal dans cet état puteux de la route. Les chauffeurs nous conduisent mal en se précipitant, on secoue la tête sur les fenêtres, on a même mal au ventre suite à ces mouvements brusques. Une autre route menacée par les nids de poules est celle communément appelée route Lumongue, située sur la RN3 à partir de la station Yakem Oil Company jusqu'au bar New Tujadjure. Les usagers de ces routes demandent à l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, de réhabiliter ces routes et d'une façon plus durable. La population environnant le centre de transit abritant les enfants et adultes retirés de la rue se trouvant sur la colline Munzenze de la province Changuzo demande au gouvernement de clôturer ce centre pour limiter les dégâts dans la communauté. Certains habitants accusent ces derniers d'être à l'origine de la recrudescence des cas de vol dans les champs. L'administration communale de Mishiha et le responsable de ce centre qui ne nie pas les faits redoutent d'autres voleurs qui se cacheraient derrière ce centre pour commettre ces forfaits. Mais il tranquillise que des mesures sont en train d'être prises pour sécuriser cette communauté. Placide Niyomongere. Certains de ces habitants de la communauté environnant ce centre de transit disent n'avoir pas été informés suffisamment sur l'ouverture de ces lieux sur leur colline. Ils regrettent qu'actuellement, ces enfants et adultes sillonnent aisément dans la communauté et pillent du maïs, du manioc et dans les champs et d'autres objets domestiques. Pour les champs proches de ce centre, c'est un grave problème. Étant à domicile, tu peux voir quelqu'un qui prend du maïs ou autres objets. Ils le font même pour le manioc. Ces habitants justifient qu'ils essaient de tout faire pour les amener à rompre avec ces cas de vol, mais en vain. Si nous laissons dehors un objet, tu le trouves volé. Ils prennent tout sans autorisation. On n'espère pas récolter convenablement. Si on leur interdit de voler, ils te disent qu'ils vivent déjà dans la prison. Jean-Baptiste Ndaïzeye, responsable de ce centre de transit, trouve que des enquêtes devraient aussi être étendues pour voir si d'autres malfaiteurs ne se cacheraient pas derrière ces enfants. On ne peut pas le nier. Ces enfants dorés ont été caractérisés par le vol. Nous avons alors pris une décision de ne plus autoriser l'entrée des objets en provenance de l'extérieur parce qu'ils ont droit à la nourriture. Sur ces doléances, nous expliquons aux administratifs que ce qui lui est dit n'est pas correct. Ils se sont rendus compte qu'il y a des voleurs qui se cachent derrière ces enfants. De son côté, Jean Berkiman Senichaingazi, secrétaire communal de Mishiha, qui affirme avoir reçu ce genre de doléances de la population de Munzenze, salue aussi le niveau de transformation de ces anciennes personnes en situation de rue. Nous nous sommes entretenus avec les responsables de ce centre pour voir que réellement sont seulement ces enfants qui commettent ces cas de vol ou pas. Aujourd'hui, nous saluons déjà le pas franchi. Même si tout n'est pas rose, non plus, on ne peut pas dire que ces enfants ne peuvent pas voler des objets dans la communauté. Pour la sécurité de la communauté, l'association Giriyuja, qui s'occupe régulièrement des enfants en situation de rue, demande que ces lieux soient clôturés afin de permettre aussi un meilleur encadrement. Ils étaient étiquetés négativement, soi-disant qu'ils sont des bandits, des consommateurs, des stupéfiants. On interpelle et dans les urgences qu'il faut clôturer ce centre. Et je tiens à remercier le gouvernement de cette initiative noble de retrait de ces enfants dans la rue parce qu'il faut préparer l'avenir. Sinon, on ne prépare pas l'avenir. Si on laisse continuer à consommer les stupéfiants. C'est toujours le pays qui est en train de perdre. Même si ce centre de transit n'a pas été inauguré jusqu'ici, depuis le mois d'octobre 2023, il abrite plus de 500 personnes composées d'enfants et adultes qui étaient en situation de rue. Radio Isanganiro, chronique sport. Le gardien de football a le droit de bouger sur sa ligne de positionnement lors des tirs au but, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela ressort de la modification de la loi numéro 14 régissant le football, qui a été modifiée par les experts de la Fédération internationale de football association FIFA en 2023. Évariste Moulingranoua est président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir qu'un gardien de but a le droit d'être sur la liste des tireurs des pénalités lors des séances des tirs au but quand le match s'est soldé sur l'égalité parfaite. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Avant la modification de cette loi numéro 14 régissant le jeu de football, le gardien de but devrait rester sur la ligne de positionnement lors de la séance des tirs au but. Évariste Moulingranoua Ali, président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB, déplore que ce positionnement ne facilitait pas le gardien à capter les ballons. Dans le temps, le gardien lors des tirs au but, il devait rester debout sur la ligne, mais aujourd'hui, ils ont remarqué que quand vous imposez ce positionnement au gardien, certains pénaltys peuvent entrer parce qu'il n'a pas l'élan nécessaire pour pouvoir capter le ballon. Alors, ils ont remarqué que s'il bouge sur sa ligne, il ne réduit pas la distance. C'est toujours les 11 mètres, mais cela va lui permettre de prendre un élan pour peut-être capter un ballon qui allait entrer dans ses filets. Partir du pied ferme pour capter un ballon qui part dans le coin supérieur gauche ou à droite, c'était difficile au gardien. Avec la modification de cette loi, les gardiens de but sortent des pénalités facilement du fait qu'ils ont pour le moment le droit de bouger sur la ligne de positionnement. Mais maintenant, on remarque que les gardiens sortent des pénalties parce qu'on leur a permis maintenant de bouger sur la ligne. Et s'il a de la chance que le ballon passe du côté où il bougeait, il capte facilement le ballon. Le président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB explique que les tirs au but sont effectués après l'égalité parfaite lorsqu'on cherche une équipe vainqueur et sont déterminés par le règlement de la compétition. Les tirs au but sont effectués à la fin d'un match. C'est déterminé par le règlement de cette compétition. C'est à la fin du match où on a remarqué que les deux équipes sont à égalité parfaite après les deux matchs qui les ont opposés. Alors, on doit déterminer à coup sûr le vainqueur de cette compétition. Ce n'est pas comme on le fait dans le championnat où on compte le nombre de points pour déterminer le vainqueur. Tout ça, c'est déterminé par le règlement de la compétition. Prenons qu'il s'agissait d'un tournoi qui est organisé où il devra y avoir un vainqueur. Alors, les deux qui arrivent en finale sont à égalité parfaite. Donc, pour les départager, tu dois passer par la séance des tirs au but pour montrer qui a vaincu l'autre. Lors de cette séance de tirs au but, les entraîneurs de chaque équipe désignent les équipes qui tirent les premières pénalties. Et si ces équipes n'arrivent pas à se départager, l'arbitre donne à chaque équipe un pénalty jusqu'à ce qu'on obtienne le vainqueur. Normalement, ce sont 5 tirs au but, mais il revient au staff de déterminer les 5 premiers qui devront tirer les pénalties, dont les tirs au but. Prenons le cas qu'après les 5 tirs au but, les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Donc, l'arbitre devra ajouter à chaque équipe un pénalty, justement pour voir s'il y aura quelqu'un qui va rater son pénalty et qui permettra à l'autre de gagner le match. Évariste Moulingranoua Ali, président de la commission chargée des arbitres au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir qu'un gardien de but a le droit d'être sur la liste des tireurs de pénalty lors des séances de tirs au but. Et c'est ainsi que ce journal prend fin. Merci pour votre oreille attentive et fidèle. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide, Rico Wiman assuré la mise en onde. Excellente suite des programmes sur Isanganiro.